à l'intérieur de la tour. Le 28 avril 2070, le soleil se levait sur un champ d'orge. Les nuages étaient absents et le ciel promettait une belle journée claire, mais aussi très chaude. Dans cette plaine entourée de montagnes sèches, des robots vaguaient à leurs rôles assignés. Veillez à ce que ce champ ne reçoive pas trop d'éléments chimiques. Un petit sentier de terre traversait le champ d'une part et de l'autre et menait à un grand bâtiment fait de pierres de taille. Du calcaire, semble-t-il. Ce bâtiment mesurait une centaine de mètres de haut, ce qui semblait incongru dans ce champ. Or, il se dégageait une sorte de vibration apaisante, une sorte de musique qui rendait l'environnement serein. Tout n'était que sérénité, calme, et même du bonheur en ce matin. Sur ce sentier marchait une personne. Elle était habillée d'un pantalon de toile brune, une tunique en lin grossier de couleur brune également, et avait le crâne rasé. Rien ne permettait de voir si c'était une femme ou un homme. Yel marchait sur ce sentier à destination de ce bâtiment. Arrivée à la porte, Yel regardait les nœuds du bois de la porte et les rivets. Yel porta sa main sur un anneau de laiton et une vibration se fit sentir. Une vibration apaisante qui la relie à l'entité dans ce bâtiment. « Bienvenue. Je vous attendais avec hâte. J'espérais que vous pourriez m'aider. J'arrive, cher ami. » La personne entra et à l'intérieur de la tour trônait une personne assise. Pas une personne, mais ce qui ressemblait à une personne. Elle était faite de laiton et son visage n'exprimait aucune émotion. « Commençons, » disait-il. « Commençons. » À côté de l'androïde était une machine faite de cadran et un casque. Yel la prit et la posa sur son crâne. Yel comprenait tout et ressentait tout. Rapidement, le duo fusionna et se dégagea du bâtiment une musique non sonore, ni vibratoire, mais qui faisait ressentir à toutes et à tous une solidarité et une vitalité envers la planète et tout ce qui vivait dessus. Des milliers d'esprits, vivant au loin les uns et les autres, furent mis en contact et s'échangeaient avec hâte et joie, comme tous les matins. Cela a permis, depuis les catastrophes des 20 dernières années, d'apaiser le monde et d'encourager une nouvelle solidarité mondiale, de faire une avec la diversité de l'humanité.